comme unité. Toutes les âmes s'unissent par la charité, qui est le lien des cœurs. V comme vocation. Chacun de nous a son sentier à suivre pour arriver au ciel. C'est ce qu'on appelle la vocation. Intérieur de Nazareth. Joseph était charpentier. L'enfant divin ne dédaignait pas de partager son travail. Il maniait comme lui le ciseau et le rabot. Ne rougissons jamais d'un travail honnête, fût-il obscur et grossier. Rougissons plutôt de l'oisiveté. Comme l'oiseau est fait pour voler, l'homme est fait pour travailler.